Vous écoutez France Culture. Temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée au patrimoine et à son histoire à l'occasion du centenaire de la loi sur les monuments historiques de 1913. De cette loi et de son importance, il sera d'ailleurs question jeudi dans notre débat. D'ici là, demain, le documentaire de Séverine Yatar et d'Anne Fleury nous expliquera comment l'industrie est devenue un objet de patrimoine. Et mercredi, dans l'émission d'archives, nous nous promènerons dans le lieu par excellence de l'étude des archives, l'école des Chartes. Et aujourd'hui, me direz-vous, eh bien, en ces temps de patrimonialisation très forte, nous avons décidé de nous promener dans le cœur de Paris en compagnie d'un philosophe et essayiste contemporain, spécialiste de l'urbain, Olivier Mongin, qui vient tout juste de publier un livre titré « La ville des flux ». Quel regard porte-t-il sur plus d'un siècle et demi de soucis du patrimoine, de Saint-Germain-l'Auxerrois au Halles de Paris, en passant par la cour carrée du Louvre? Nous le suivons en quête du juste rapport entre conservation et invention urbaine. Olivier Mongin, bonjour. Bonjour. Quand je vous ai téléphoné pour vous demander d'ouvrir cette semaine sur le patrimoine, parce que vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur la culture urbaine, sur la vie urbaine, et en particulier sur la mondialisation urbanistique, et le dernier vient tout juste de sortir chez Fayard, il s'appelle « La ville des flux, l'envers et l'endroit de la mondialisation urbaine », je vous ai dit, après vous avoir lu, je vous propose d'ouvrir une semaine de la Fabrique de l'Histoire sur la question du patrimoine. Vous travaillez sur les villes contemporaines, et vous avez tout de suite réfléchi à l'endroit qui pourrait être le point de départ de cette promenade dans Paris, ville patrimonialisée par excellence. Donc, et nous sommes, devant nous, nous avons la colonnade du Louvre, et derrière nous, nous sommes au pied de Saint-Germain-l'Auxerrois. Pourquoi avoir voulu commencer une promenade sur la question du patrimoine à Saint-Germain-l'Auxerrois, Olivier Mongin? Bonjour. D'abord, si j'avais pu, on serait allé à Valparaiso, mais c'est difficile pour voir comment on a patrimonialisé des collines. Mais ça, c'est la patrimonialisation mondiale, telle qu'elle met ça en place à l'échelle de cette urbanisation très rapide. Mais ce n'est pas notre objet. Ce qu'on aurait fait un peu automatiquement, c'est d'aller voir une belle machine célibataire, un beau bâtiment d'architecte, et on serait préoccupé de savoir comment le classer avant qu'il puisse disparaître. Pourquoi pas? On ne va pas se battre sur les noms d'architectes. Non, pourquoi ici? Parce qu'ici, on est en plein territoire haussmannien. Là où on est, d'un côté, vous l'avez dit, il y a la colonnade du Louvre, le Vau, c'est la face est, qui bloque complètement le rapport à l'ouverture vers Paris, vers Versailles en fait. On voit très bien comment Paris est coupé. Et là, on a deux monuments au sens strict, monument historique en tout cas pour l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, et puis la mairie qui est à côté, qui a été construite au 19e. Donc là, on est en plein territoire haussmannien. Alors juste un mot, territoire haussmannien, ça veut dire que là, on avait ce qu'on appelait le cloaque. C'est qu'il y avait des petites maisons, les gens vivaient dans des conditions d'insalubrité incroyables. Il y avait même des gens qui vivaient un peu à l'intérieur de la première place du Louvre. Parce que là où on est, il y avait deux places. La place Saint-Germain-l'Auxerrois et la place du Louvre. L'une collée au Louvre, l'une collée à Saint-Germain-l'Auxerrois. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que, regardons d'abord Saint-Germain-l'Auxerrois, c'est une église romane qui date du 7e siècle. Aujourd'hui, on en fait une espèce de miroir parisien du gothique. Absolument. Et on ne parle à propos d'elle que de ce magnifique porche gothique qui a été installé d'ailleurs par des anglo-saxons à je ne sais quelle période. L'historien, c'est vous, c'est pas moi. Donc on a là une église dont il faut simplement rappeler une chose, c'est qu'elle a failli être détruite au moment de Haussmann. Puisque le problème d'Haussmann, qui n'est pas un grand destructeur, contrairement à ce qu'on dit, c'est qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on... Mais Haussmann, il était pour la destruction de cette église, à part le porche, le fameux porche qu'il voulait patrimonialiser. Et qu'est-ce qui fait que Haussmann n'a pas touché à cette église? Ce n'est pas le monument en tant que tel, puisqu'il ne l'aimait pas. C'est le fait que cette église a été soi-disant, c'est plus compliqué pour les historiens, le départ de la Saint-Barthélemy, Carillon, et qu'on n'est pas très loin du temple de l'oratoire, dont vous voyez qu'il est extrêmement mal mis en valeur, où il y a la statue de Gaspard de Coligny. Rue de Rivoli. Donc. Rue de Rivoli, qui est grillagée. Donc, il ne faut pas oublier que Haussmann est protestant, et qu'à l'époque, celui qu'on appelle le grand voyer, qui est chargé donc, de l'habitat, de ce qu'il faut construire et, ou pas pour Napoléon III, ils se regardent tous les deux, mais on est protestant. On ne va quand même pas casser quand même ce qui est un souvenir historique et malheureux pour le protestantisme français. Donc voilà, on a un monument historique là qui au fond aurait dû disparaître. qui avait été mutilé énormément, même au 19e. Des architectes comme Lassus et même Baltard l'avaient très mutilé. C'est un bâtiment qui n'est fait que de couches successives, de reprises, etc. Alors on le voit maintenant comme une espèce de chef-d'œuvre du gothique en regardant que là, c'est extraordinaire. Ce magnifique, moi j'aime beaucoup cette église, elle aurait dû disparaître et elle n'a pas disparu pour des raisons qui n'ont rien à voir avec son esthétique et avec son histoire esthétique. Elle a à voir par rapport à Saint-Barthélemy, mais ça, il n'y a aucune trace. Si vous comprenez ça, en regardant l'église ou en vous promenant là, sur ces plats, rien n'est dit. Vous ne comprenez rien. Alors, il faut peut-être à ce point de notre discussion, Olivier Mongin, faire un point sur cette question de la patrimonialisation. Parce qu'en fait, quand on se pose la question du patrimoine et de la patrimonialisation, on pense évidemment aux monuments historiques. Mais il faut aussi réfléchir à la question du monument. Et vous avez après d'autres, évidemment, dans votre livre, mais en reprenant les travaux d'autres philosophes, essayistes et urbanistes, réfléchi à cette distinction entre monument et monument historique qui permettront d'éclairer peut-être, justement, qui permettra d'éclairer cette question du patrimoine. Oui, il y a très peu de gens d'ailleurs qui travaillent là-dessus. Il ne faut quand même pas oublier que la quasi-totalité du budget du ministère de la Culture, spécialité française, est quand même aujourd'hui attribué au patrimoine. Donc on a une notion un peu extensive qui pose beaucoup de problèmes. Et la crise, qui est une crise économique, on le sait, est aussi peut-être une crise historique au sens le problème. Il s'agit bien de conserver, mais il s'agit aussi de classer, de déclasser. Il s'agit peut-être d'avoir des critères. Alors d'un mot, pour ne pas s'apesantir, mais je pense qu'il y aura vraiment un gros travail à faire de la part des fonctionnaires de l'État culturel pour réfléchir un petit peu aujourd'hui aux critères, car de l'avis général, ça part dans tous les sens et c'est intenable économiquement. La patrimonialisation, ça ne veut pas dire que les gens n'accourent pas aux journées du patrimoine. Je crois que c'était 13 millions de personnes cette année, si je ne dis pas de bêtises. Mais reste que les gens aiment bien voir les lieux de pouvoir. On aime bien aller au Conseil d'État, on aime bien aller... Je crois qu'on peut y aller. Ouais, ouais. En tout cas, là, ici, c'est Conseil constitutionnel, Conseil d'État. Voilà. Alors, pour être très clair, aujourd'hui, on dit patrimoine. D'ailleurs, on dit quasiment plus monument et monument historique. Monument historique, la loi a 100 ans, 1913, hein, très important. On en parlera dans cette semaine. On en parlera peut-être... c'est le programme de Blois, je crois. la notion de patrimoine, elle est venue, d'une certaine manière, absorber la notion de monument et la notion de monument historique. Alors, d'un mot, qu'est-ce que c'est qu'un monument ? Un monument, ça peut être rien du tout. C'est pas du tout quelque chose du construit, etc. Ça peut être une pierre druidique, c'est un signe qui ralliait une communauté. Ouais. Donc, monument, ça vient de monere en latin, ça veut dire se souvenir de ce qui peut nous rassembler. Donc, un monument, ça renvoie à un collectif. Ça peut être un collectif ethnologique, ça peut être les Amazoniens de telle ou telle tribu que voyaient Lévi-Strauss, qui avait beaucoup d'ailleurs travaillé là-dessus. Mais ce n'est pas du tout un construit au sens d'une architecture, au sens, etc. Ça ne veut pas dire que maintenant, les musées n'absorbent pas tous ces objets, voire le musée Branly, les grands musées anthropologiques qui se multiplient partout, n'absorbent pas ces objets qui, effectivement, renvoyaient une communauté historique. Mais le débat sur le patrimoine n'a d'intérêt que s'il renvoie une communauté, une communauté. Après, monument historique, c'est là-dessus que François Choët a fait beaucoup de travaux. Dont il faut citer monument historique, tout ça, c'est la suite du vandalisme révolutionnaire. Mais le vandalisme n'a pas été que révolutionnaire, faisons attention. Il y a eu du vandalisme de partout. Hein. La royauté était très vandale aussi, faut pas se tromper. Dans le paradoxe, c'est l'abbé Grégoire qui avait quand même un peu cassé les dialectes et s'intéressait à une langue homogène qui, lui, va tirer la sonnette d'alarme en disant « halte aux destructeurs » avec Hugo et d'autres, et vont dire « qu'est-ce qu'on conserve quand même ? On ne va pas raser toutes les églises parce qu'on a fait la révolution, d'un mot. » Et alors, se met en place l'idée du monument historique, avec le débat qui est lié à cela, c'est qu'un monument historique, c'est aussi... Dans votre émission, c'est quand même essentiel. C'est un type de monument qui renvoie à un savoir, qui est le savoir historique. Alors, toutes les sociétés, par ces sociétés non européennes, aucun jugement de valeur là-dedans, n'ont pas toutes été portées par une histoire. Un monument maya n'est pas un monument historique au sens où il y avait une vision un peu cyclique de l'histoire, etc. Voilà, donc après, patrimoine, c'est la notion un peu passe-partout, où on met tout et rien. Alors d'abord, le patrimoine matériel, monument historique, ce qui est construit, beaucoup de patrimoine immatériel. Alors maintenant, on renvoie à l'anthropologie, et on ne va pas ironiser sur la cuisine comme patrimoine mondial de l'humanité pour la France, etc. Mais il y a plein d'autres pays qui le revendiquent. Ce n'est pas la cuisine, c'est le repas gastronomique voilà, français. Bon. Et c'est vrai que sur ces choses-là, il faut bien être précis, parce que c'est, tous les débats sont là-dessus. Ensuite, on a un autre type de patrimoine immatériel qui est lié à l'informatique, qui pose des problèmes énormes qui sont devant nous. Et la question, elle est passionnante, elle est là pour nos sociétés. Qu'est-ce qu'on conserve? Qu'est-ce qu'on détruit? C'est le problème, quelque part, du capitalisme aussi. C'est le problème de la dette. C'est les problèmes qui sont nos problèmes politiques quotidiens, qu'on retrouve là, dans ce domaine culturel, où là, je ne donne pas trop d'exemples, mais il y a effectivement une patrimonialisation absolue qui pose des questions énormes. Alors, patrimonialisation, dont nous avons des exemples ici, puisque vous avez expliqué combien cette église avait été retapée au fur et à mesure des temps et apparaît aujourd'hui comme très différente de ce qu'elle était même avant la Révolution française. Si on se déplace de quelques dizaines de mètres juste à côté de cette église Saint-Germain-l'Auxerrois, Olivier Mongin, on va donc aller juste à côté et on va se retrouver du côté de La mairie est juste là, face au Louvre, avec entre les deux un beffroi, on ne peut pas dire autre chose, c'est un beffroi à la mode gothique du côté de l'Aisne ou de la Picardie peut-être, mais qui date du 19e siècle, tout comme d'ailleurs cette mairie du 19e siècle qui pastiche en partie ce qu'il y a à côté. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important pour vous, qui travaillez sur cette question de l'urbain, de se poser cette question de ce que le 19e siècle a fait de ce Moyen-Âge et comment il l'a transformé en une sorte de pastiche, Olivier Mongin? Oui, enfin, c'est intéressant parce que moi, comme beaucoup de gens, je suis passé ici depuis que je suis enfant en pensant que ce beffroi qui est lié à la mairie était d'une certaine manière un ancien clocher qui était lié à l'église. Et beaucoup de touristes se promènent ici en pensant que le beffroi est le clocher de l'église. Mmh. Donc, c'est intéressant aussi parce qu'on a parlé du vandalisme révolutionnaire. Une fois de plus, il n'y a pas que le vandalisme révolutionnaire. De même qu'on dit 36 000 paroisses, 36 000 mairies, on voit très très bien que la révolution, qui était une révolution effective, la révolution, d'une certaine manière, a repris bien des éléments de ce avec quoi elle voulait rompre. Quoi. Alors la mairie est très intéressante, parce que si on regarde un peu vers le haut, on a des sculptures qui vont toujours correspondre à des niches qui sont dans l'église. Alors que le portique devant oui, est un portique néoclassique. On a un symbole de la, bien sûr, on a un symbole de la justice qu'on voit pas tout à fait de l'endroit où on est, qui est le symbole de la justice qui va correspondre à la statue de Saint-Michel l'Archange, qui, dans le langage religieux, correspond à la justice. Donc on voit des correspondances fantastiques qui sont à mettre en avant. Et ça, on a là ce beffroi qui, moi, me fait toujours penser à un monument qui n'est pas loin, qui est pour moi le plus beau de Paris, qui est la Tour Saint-Jacques. Bien sûr. Et ça pourrait être aussi les ailes de la Sainte-Chapelle ou de Notre-Dame. Et où là, on a au 19e aussi beaucoup de réinventions, les fameuses gargouilles de Notre-Dame, etc. Beaucoup de réinventions. Et on a un 19e siècle, c'était bien dit dans un livre, vous aviez accueilli l'auteur, ou en tout cas le livre, sur les gargouilles de Notre-Dame, où on voit que les reprises un peu architecturales sont très portées par des questions baudelairiennes inquiétantes. Les reprises, souvent, elles annoncent un petit peu les difficultés à venir de l'histoire. Quoi. Et de la question de la modernité, évidemment. Cette modernité, qui détruit, qui évidemment voilà. Va de l'avant et qui, d'une certaine façon, se doit, à un moment ou à un autre, alors que même qu'elle détruit cette modernité, de conserver ou de faire semblant de conserver des vestiges du passé. De toute façon, on pourrait dire qu'elle le fait de facto. Là, on regarde un peu ce qui est en haut. On pourrait se promener. Ici, il y a des pavés. Il y a de magnifiques pavés à Cour Carré. Mais on pourrait aller se balader sur le pont de la Concorde. Chose que moi, n'étant pas historien, j'ai apprise récemment. Tout simplement, la terre, enfin les éboulis de la Bastille. C'est-à-dire, quand on se promène place de la Concorde, qui s'appelait place de la Révolution après la Révolution, vous voyez bien, il a fallu l'appeler place de la Concorde après, il faut savoir qu'on se promène sur des pavés, et en dessous, c'est fascinant quand on y pense, il y a effectivement les restes de la Bastille. Et moi, je pense que partout où on marche, c'est même pareil à la Défense, moi je l'ai vu là, dans certains endroits, il faut arriver à voir cette ville invisible, celle dont parle Calvino. Et la ville Alvigny, elle est sous terre, elle n'est pas toujours au-dessus, elle est bien plus souvent sous terre, elle est très importante. On va la voir au Halles, on va en parler, parce que la ville, elle est très souterraine. D'ailleurs, ici, je disais, c'était le cloaque, il faut quand même... j'ai lu, parce que je ne l'avais jamais lu, j'ai honte, mais Les Misérables de Victor Hugo. Ça se passe là, en permanence, dans quelques petites rues, il y a les égouts et le reste, mais la ville souterraine est fondamentale. On marche toujours sur l'histoire. Mais c'est ce que disait un artiste comme Jürgen Gertz, par exemple, qui, avec ses étudiants d'une école d'architecture, avait décidé de retourner les pavés d'une place, je crois que c'était à Stuttgart, mais je n'en suis pas sûr, et de faire inscrire aux étudiants de l'école d'architecture un nom de camp de camp donc, qui avait été créé par le nazisme en Allemagne. Donc une façon de dire, vous marchez sur de l'histoire et cette histoire, elle est souterraine. Effectivement, comme vous le dites, en l'occurrence, Olivier Mongin. Donc on voit bien effectivement que cette préoccupation n'est pas simplement une préoccupation patrimoniale, une préoccupation de défenseurs du passé, mais aussi de gens qui sont dans le contemporain, qui sont des artistes contemporains, des urbanistes contemporains, qui doivent faire avec cette histoire aussi. Je dirais les habitants avant même, hein, parce que trop souvent, il y a la tendance aujourd'hui à aller chercher, j'ai rien contre, au contraire, les artistes pour parler à la place des habitants. Les habitants, ils savent très bien où ils marchent, beaucoup mieux que tout le monde, hein, faut pas se tromper là-dessus. Mais voyez le paradoxe, c'est qu'on a une politique patrimoniale qui veut rendre visible une mémoire qui, d'une certaine manière, est déjà là, mais qu'on ne sait pas voir. Et là, je trouve qu'il y a quand même, pour l'historien en tout cas, c'est tous les débats autour d'histoire-mémoire, il y a quand même beaucoup à réfléchir. Alors, on va juste se déplacer d'une cinquantaine de mètres, traverser cette rue qui d'ailleurs était une rue un peu informe entre Saint-Germain-l'Auxerrois, la mairie du premier et de l'autre côté le Louvre, pour nous retrouver juste à côté de la cour carrée devant cette colonnade du Louvre. Nous voici donc à ce rendez-vous de l'admiration et de la gratitude que le gouvernement français a donné ce soir au peuple de Paris pour rendre un hommage solennel au grand peintre Georges Braque, mort samedi dernier, au moment où il s'apprête à quitter pour la dernière fois ce Paris où il s'est formé, où il a vécu et où son œuvre si merveilleusement réfléchie a honoré grandement notre pays. Nous sommes actuellement, vous le savez, au pied de la colonnade fameuse du Louvre, face à Saint-Germain-l'Auxerrois. C'est la musique de la garde républicaine qui exécute en ce moment la marche funèbre de Beethoven. Et encadré de soldats porteurs de torches, voici le cercueil de Georges Braque drapé de tricolore, porté par 6 hommes et qui s'approche du catafalque qui a été dressé au pied de la colonnade. Catafalque naturellement drapé largement de tricolore, catafalque gris, entouré de fleurs, des couronnes disposées en fond. Et voici. Monsieur André Malraux, ministre d'État chargé des affaires culturelles. Avant que Georges Braque repose dans le petit cimetière normand qu'il a choisi, j'apporte ici l'hommage solennel de la France. Vous avez reconnu, madame, la musique que vous venez d'entendre avant ces cloches qui sonnaient jadis pour les rois. C'est la marche funèbre pour la mort d'un héros. Jamais un pays moderne n'a rendu à un de ses peintres morts un hommage de cette nature. L'histoire de la peinture qui trouve dans l'œuvre de Braque un accomplissement magistral a été une longue histoire de dédain, de misère et de désespoir. Et jusque par sa mort, Braque semble assurer la revanche des pauvres obsèques de Modigliani, du sinistre enterrement de Van Gogh. Puisque tous les Français savent qu'il y a une part de l'honneur de la France qui s'appelle Victor Hugo, il est bon de leur dire qu'il y a une part de l'honneur de la France qui s'appelle Braque, parce que l'honneur d'un pays est fait d'abord de ce qu'il donne au monde. Ces tableaux se trouvaient dans tous les grands musées. Olivier Mongin, donc nous sommes maintenant du côté de la colonnade du Louvre. On vient d'entendre donc ce fameux discours de André Malraux pour la mort donc de Braque, en l'occurrence, un discours qui s'est tenu dans cette cour carrée du Louvre dans laquelle on ne peut pas entrer parce que le patrimoine aujourd'hui, il est tellement convoité que ce sont des sociétés privées qui le convoitent et les grandes institutions comme le Louvre louent la cour carrée du Louvre pour des grandes manifestations. Là, en l'occurrence, j'imagine, c'était la Fashion Week, donc la semaine de défilé de mode, et c'est souvent le cas. C'est vrai que ce patrimoine, en même temps, c'est une véritable réussite que pour un État d'avoir réussi à créer cette notion de patrimoine dans les années 60 avec Malraux, de l'avoir développé dans les années 70 avec les différents ministres de la Culture, au point qu'aujourd'hui, eh bien, les grandes sociétés veulent absolument investir ce patrimoine pour pouvoir faire des grandes réceptions, inviter leurs clients, etc., etc. Olivier Mongin. Alors juste un mot sur l'État. Il fait une première grande enquête, 1964, Chastel-Malraux. Vous savez, c'est de la cathédrale à la petite cuillère. C'est un peu ironique, mais tout rentre un peu là-dedans. L'inventaire. Ensuite, en 2004, nouvel inventaire avec une autre nomination. Mais là, il le passe aux régions. Je n'en dis pas plus, mais c'est très intéressant de voir que l'État, là, il est obligé de commencer à décentraliser. Et d'une certaine manière, ça décentralise de plus en plus. Hein. Maintenant, on trouve ça à tous les niveaux des collectivités territoriales. Et ça devient un véritable problème. Tout est patrimonialisable en puissance. La question est de savoir, est-ce qu'on peut quand même déclasser de temps en temps? Est-ce qu'on peut s'interroger sur des critères? J'y reviens pas. On est là avec Malraux, sous la magnifique colonnade. Hein. Bernin, mais c'est pas Bernin, c'est Levaux. Mais là, on est au-dessus du fossé. C'est Malraux qui se bat pour faire les fossés. 1964, après sa loi, 1967, 3 ans de travail. Regardez les fossés, une place qui n'est pas une place. On a une jonction très mal faite entre les deux monuments dont on a parlé, l'église et la mairie. Ouais. Et ce Louvre qui commence là, le monument des monuments, le grand musée mondial. Ouais. C'est là on touche la question du musée, que certains critiquent. Le musée, il en fait trop. François Chéret dit « la muséification est mortifère ». Donc on est là par rapport à une source d'argent fantastique, et en même temps, le musée, il est brutalement une frontière avec son environnement. Pourquoi ? Ben ça, c'est le problème du Louvre, on ne va pas y rentrer. Mais moi, je regarde le fossé. Malraux... Alors on voit ce fossé, il fait environ une dizaine de mètres de pourquoi profondeur. Pourquoi on fait ce fossé ? Tout simplement pour redonner leur proportion aux colonnades et aux bâtiments dans son ensemble. Et c'est vrai que c'est magnifique. Mais regardez l'état des fossés. Vous ferez mieux que moi le commentaire. Qu'est-ce qu'on trouve dans le fossé? C'est pas nous, un cloaque, mais on n'est pas loin du cloaque, soyons honnêtes. Alors en face de nous, on a donc des bâtiments de containers, voilà, donc en ferraille, qui sont là pour pouvoir, j'imagine, accueillir des ouvriers qui travaillent au Louvre ou juste à côté, effectivement, et qui peuplent ce fossé qui n'a plus rien à faire, puisqu'il est entièrement rempli par ces bâtiments. On s'est inquiété à raison de redonner toute sa force à une à ce fossé qui aurait pu faire un lien avec le reste de la place, redonner sens à cette place qui n'en a pour l'instant aucune. Et on a un fossé qui sert, je pense, à l'administration du Louvre. Je n'ai pas de preuve, c'est une bonne question à poser au nouveau directeur, qui est quelqu'un de très bien, donc il n'y a pas de problème. Mais vous voyez bien qu'on a un problème, on veut, là on n'est pas dans le débat détruire, conserver, on est dans le débat restaurer. Hein ? Alors il y a eu une grande critique des restaurations à la Viollet-le-Duc, 19e. Aujourd'hui, on parle beaucoup de restauration abusive. Mais on voit bien que cette restauration très importante, moi je ne la mets pas en cause une seconde, on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas quoi en faire. Et ça, c'est quand même un problème. Alors après, si on se tourne quand même, parce que moi, c'est mon lieu préféré à Paris, malheureusement, il est souvent fermé. Il y a les entreprises de Louvre, il y a souvent du cinéma. Vous savez que le Louvre, c'est Da Vinci Code, etc. Il tournait un film récemment, je ne sais pas lequel. Je pense que c'est la suite, enfin une des suites. Il se passe plein de choses dans le Louvre, hein, parce que c'est des lieux intrigants. Là, vous avez la cour carrée du Louvre. Là aussi, c'est Malraux, le discours de Georges... Vous l'avez, 40 discours de Malraux, j'imagine, j'en sais rien. De Georges Braque. Et là, pour moi, c'est le plus bel endroit de Paris. Mais vous voyez qu'on a peut-être la monumentalité dans toute sa puissance. Alors, ce n'est pas un espace construit plus ou moins obèse, une belle machine célibataire d'architecte. Non, c'est un espace vide. C'est le plus bel espace vide de Paris. Il était ouvert à une époque. C'est un espace vide. On retrouve l'Agora, on retrouve la place publique. Et c'est un des plus beaux espaces. C'est un espace qui libère, c'est un espace qui vide. Moi, il me fait penser à tous les épisodes de la place Tahrir depuis quelques années. Ce n'est pas pour rien qu'on retrouve les espaces vides. Là, on a le plus bel espace vide de Paris. Et un de mes amis me dit, a raison, moi je le vis, je connais bien le Caire, c'est une mosquée à ciel ouvert. Qu'est-ce que c'est qu'une mosquée? C'est ça. C'est un espace vide. Vous pouvez en trouver 40 exemples dans toutes les grandes villes musulmanes. C'est un espace vide en pleine ville. Il y a du bruit là autour de nous. Vous avez les pieds qui touchent le sol, magnifique sol, et vous avez le ciel au-dessus de vous. Moi, j'appelle ça la mosquée parisienne. Mmh. C'est pas pour provoquer, mais un peu quand même. Alors, tout de même, ce Louvre, vous en parlez dans votre livre, Olivier Mongin, La ville des flux, parce que dans un chapitre que vous consacrez justement à cette question de la patrimonialisation, vous évoquez ce projet du Louvre à Abu Dhabi, qui a été éminemment critiqué, en disant qu'effectivement, la question de ce patrimoine mondial qui a son siège ici dans le plus grand musée du monde, ce patrimoine mondial, il va finir par se déterritorialiser, parce que la question, c'est quel est le rapport entre le territoire qui va accueillir ces tableaux ou ces œuvres et les œuvres qui ont été donc installées pendant très longtemps dans ce musée du Louvre, Olivier Mongin. Le problème qui est posé derrière la patrimonialisation, on revient à l'idée de monérer monuments. Est-ce qu'il y a une communauté qui porte le projet du patrimoine? Est-ce que ça a un sens? Les philosophes, ils réfléchissent aussi beaucoup à ça aujourd'hui. Ce n'est pas qu'un problème de technicien de la culture ou de fonctionnaire de l'état culturel. Alors, il est vrai que là où ça urbanise très très vite, voyons, Dubaï, Abu Dhabi, c'est incroyable de voir, il y a tout de suite des projets de grands musées patrimonialisants. Hein, et plus ça universalise, c'est-à-dire plus on va chercher à l'extérieur du patrimoine, mieux c'est. Je ne dis pas que le Louvre est utilisé comme alibi, mais il est évident qu'aujourd'hui, toute ville qui se fait extrêmement vite est très contente d'avoir son musée anthropologique universel. Comme si dans du local, on pouvait comme ça mettre de l'universel, le faire tomber sans qu'il y ait une histoire qui l'ait porté. Et ça pose quelques questions. Après, il ne faut pas être caricatural. Vous avez dans les Émirats et dans tous les pays du Golfe, vous avez des contre-exemples. Parce qu'à Oman, Salalah, si je ne me trompe pas, la ville de Salalah, est portée par un projet, c'est lié au prince, qui est extrêmement intéressant. Parce qu'il est porté par toute une partie de la population. Le problème, il est là. Est-ce que le patrimoine est une usine à faire du tourisme? Je ne parle pas là pour la France, ce qui serait un peu ridicule, parce qu'on est vraiment un pays historien qui a un sens patrimonial. Peut-être trop, ce serait moi ma vraie question. On a du mal à se libérer de ce patrimoine qui est en même temps pesant. C'est très pesant. Regardez-moi ça, là. La pesanteur du Louvre, c'est quelque chose de terrible. Et je pense qu'il faut quand même... regardez d'autres exemples, mais aujourd'hui, moi je connais bien l'Amérique centrale, plutôt Brésil, l'Amérique latine, on voit très bien que là où ça patrimonialise, c'est uniquement pour faire du tourisme, pour faire du... Il y a un vrai problème de marché du patrimoine, qui est un autre débat que celui que nous avons eu. Oui, mais tout de même, si on s'arrête là-dessus, vous ne pouvez pas, en tant qu'essayiste et spécialiste philosophe de la ville, en l'occurrence, Olivier Monchin, ne pas vous poser la question du succès de cette patrimonialisation. C'est-à-dire que vous évoquez la charte de Venise, je crois que c'est 1964, vous évoquez les conventions de l'UNESCO, 1972, sur la question du patrimoine, le développement absolument hallucinant de ce qu'on appelle le patrimoine mondial, la volonté de chacun des endroits dans le monde d'avoir, chaque pays, d'avoir un site du patrimoine mondial au minimum, et 5 ou 6, ça sera encore mieux, au bout du compte. Tout cela, ça marche. Alors, est-ce que ça marche simplement pour des raisons de tourisme, comme vous semblez le dire, ou est-ce que ça, il y a des ressorts qui sont plus intimes de cette volonté de conservation devant peut-être la rapidité de la transformation et de la mondialisation? Non, moi, je ne mets pas en cause l'idéal de conservation. D'ailleurs, François Chauet, qui est personne qui a le mieux réfléchi en France au patrimoine, vient de sortir un petit livre sur Haussmann qui s'appelle « Conservateur de Paris », alors qu'on on l'attaque comme grand destructeur. Hein, c'est... Non, vous avez raison, il ne s'agit pas du tout de... Simplement, j'aurais tendance à croire qu'aujourd'hui, on regarde un petit peu, non sans nostalgie, la manière dont on savait édifier autrefois. On est dans un monde quand même où l'urbanisation est une urbanisation très rapide, très fragile, voire la Chine, le Brésil, et où on a l'impression que, je dirais, ce qui faisait le ressort d'un bâtiment susceptible de tenir, au sens où Alberti, quand même, le père des pères de l'architecture, a su en parler, ne sont plus vraiment respectés. J'aurais tendance à dire qu'il faut faire attention, il ne s'agit pas de faire un procès galopant, mais il s'agit de dire, là où ça urbanise mal, on a eu la période Pompidou. Hein, beaucoup de gens disent pourquoi on aime tant le patrimoine en France. On a eu un urbanisme tellement délirant durant les années 60 qu'on a pris le contre-pied. On a tellement peur de trop détruire qu'aujourd'hui, moi j'appelle pas la destruction, j'appelle une réflexion sur ce qu'on peut garder ou pas. Il y a des choses qu'il faut oublier. C'est pas interdit. De toute façon, c'est jamais... on peut dire aussi que c'est pas oublié, comme on l'a dit tout à l'heure, on retrouve ça sous nos pieds. Hein. Mais on peut pas tout garder, c'est pas vrai. C'est pas... Et il y a un côté monumentalité lourde, en tout cas à Paris, qui est une ville que j'aime, qui est la mienne, mais une monumentalité qui pose un véritable problème. On a besoin de vide. On a besoin de vide. Et de vide pourquoi? Pour justement faire des places, pour pouvoir... Pour faire un peu des espaces publics, pour créer un peu des espaces. Et c'est la grande question française, c'est que les espaces publics ne sont pas tout à fait notre fort. On a une conception de l'espace qui était ce qui était sous le monument lui-même, c'est-à-dire là d'où parlait le prince, le roi, voire le prêtre, l'archevêque, etc. Non, il faut quand même penser à une monumentalité qui ne soit pas une monumentalité sacrée. Il faut quand même essayer de reprendre un peu réflexion là-dessus. Et moi, j'observe que dans les pays du Sud, qui sont en très grosse difficulté souvent sur les problèmes urbains, ils sont beaucoup plus créateurs d'espaces publics. Alors, je vous propose de quitter cet endroit qui est le Louvre, avec Saint-Germain-l'Auxerrois, où nous avons commencé notre promenade avec vous, donc Olivier Mongin. On va passer par les petites rues qui nous séparent des Halles et s'arrêter dans deux ou trois endroits. Dans ces petites rues, on peut trouver, pour voir que Haussmann n'était quand même pas le roi de la destruction, beaucoup de petits immeubles qui sont des immeubles médiévaux revus et corrigés, bien sûr. Lundi 2 août 1971, les démolisseurs ont donné ce matin le premier coup de pioche aux halles centrales de Paris, mais en même temps, tous ceux qui voyaient avec regret disparaître les pavillons de Baltard ont appris avec satisfaction qu'un certain nombre d'entre eux seront conservés et remontés ultérieurement. J'habite dans le coin, alors comme on l'a dit au poste ce matin qu'il commençait, alors je suis venu faire un tour, quoi. Vous êtes venu ici lorsqu'il y avait quelques animations avec des fêtes? Ah oui, je suis venu au cirque à Jean-Richard, je suis venu au théâtre, je suis venu au patinage, c'était bien. Je sais qu'il y en a beaucoup, ça leur fait du mal, mais à côté de ça, si ça doit devenir quelque chose de mieux, je suis partagé entre ces choses nouvelles qu'on doit faire et puis aussi tout un quartier qui va être démoli. Il y a des gens qui vont en souffrir, il y en a déjà qui en ont souffert de partir, voyez-vous, c'est ça. Alors nous sommes ici avec vous, Olivier Mongin, pour cette troisième partie de notre promenade dans le centre de Paris à la recherche de cette question de la patrimonialisation. Vous qui êtes l'auteur d'un livre sur l'urbanisme contemporain qui s'appelle « La ville des flux » paru chez Fayard. Nous sommes donc dans cet endroit dont on vient d'entendre un extrait d'archives de la destruction des halles de Baltar. Alors on a devant nous la magnifique église Saint-Eustache qu'on n'a jamais si bien vue d'une certaine façon puisque là le chantier de dégagement des halles actuelles a fait qu'on peut désormais la voir complètement. On est au pied de la bourse du commerce et donc dans cet endroit qui était occupé auparavant par les halles de Baltar et depuis maintenant une trentaine d'années par ce qu'on a appelé les halles de Paris, donc le forum des halles. Alors, pourquoi cet endroit? En quoi cet endroit est-il inspirant quand on réfléchit à cette évolution de la patrimonialisation? Peut-être aussi parce que le combat pour la non-destruction des halles, combat inachevé, puisque évidemment ceux qui ne voulaient pas la destruction des halles de Baltar ont perdu, a été un moment très fort de cette idée de la patrimonialisation oui, en France. Paradoxe au début, puisqu'on arrive de Saint-Germain-l'Auxerrois, si je ne dis pas de bêtises, Baltar, qui a été détruit, fut lui-même un des mutilateurs de Saint-Germain-l'Auxerrois à un moment. Bon, voilà, comme quoi tout ça est compliqué. Ici, il y a deux choses. Les halles, c'est la monumentalité, là encore, qu'on voit impressionnante, on peut y revenir. Mais les halles, c'est d'abord la connexion des connexions. C'est le centre de Paris, qu'on le veuille ou non, c'est pas Notre-Dame le centre de Paris, c'est les halles, le centre de Paris. C'est le kilomètre zéro, c'est ce qui... Donc le grand problème qui se pose aux agences d'architecture et d'urbanisme chargées un peu d'imaginer ces halles d'aujourd'hui, c'est pas de travailler en surface. Alors, parce qu'on parle sans arrêt et tout le monde discute des jardins, de la canopée, et c'est très important. Mais le projet des halles, c'est pas uniquement la canopée, qui d'ailleurs est le monument. Aujourd'hui, canopée, comme c'est drôle, c'est la forêt qui devient un peu le symbole de ce qu'il faut faire dans l'urbain. Ben, pourquoi pas? Lévi-Strauss le disait déjà très très bien. La ville, c'est comme une forêt, c'est la luxuriance des signes. Lui qui ne croyait plus malheureusement au devenir urbain, en tout cas à la fin de sa vie. Mais simplement, aujourd'hui là, qu'est-ce que c'est que cet espace-là? C'est 5 niveaux souterrains. Est-ce qu'on sait regarder les niveaux souterrains? Est-ce qu'on sait s'intéresser un petit peu à ce que c'est qu'une connexion? Aujourd'hui, l'urbanisation contemporaine, elle est portée par les connexions. Donc le problème, il est déjà de voir comment on peut les organiser au mieux. Alors généralement, c'est fluidité, c'est organisation des flux. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des architectures souterraines. Toutes les grandes villes nordiques, les villes de neige comme Montréal, comme Chicago, sont des villes qui savent fonctionner en souterrain. Et en France, on a très peu l'habitude de réfléchir sur ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, généralement, c'est ce sur quoi on marche. Donc à travers les souterrains, on voit plein de choses. Donc la vraie question, pour moi, c'est quand même la question de la connexion. Voilà, ça c'est le premier point. Après, les halles, c'est un territoire incroyable parce qu'il s'agit toujours de regarder le site, le contexte. Vous avez parfaitement évoqué Saint-Eustache, mais la canopée, on voit très bien qu'elle va ouvrir des perspectives très très fortes. Beaubourg derrière. Si on regarde, voilà, entre Beaubourg et la Bourse de commerce. Un petit problème que je connais mal, je ne suis pas maître d'œuvre ici, mais je crois que la Bourse du commerce, malheureusement, n'est pas vraiment intégrée dans toutes les possibilités qu'on pourrait imaginer en ce qui concerne les halles. Moi, j'ai imaginé cette Bourse du commerce qui est magnifique, ce bâtiment circulaire avec la rue de Viarme autour, avec des constructions extraordinaires. On appelle ça de la rue de l'éternel parce qu'elles sont semi-circulaires. On a l'impression qu'elles n'en finiront jamais. C'est une espèce de mouvement prodigieux. On aurait pu imaginer que le problème des connexions, c'est les accès. Donc on aurait pu imaginer que la Bourse du commerce soit une espèce d'accès possible à des choses qui sortent du terrain. Ça aurait été magnifique, comme c'est une espèce de beau théâtre. Bon, je sais qu'aujourd'hui, la Bourse, des gens y travaillent encore un peu, mais elle ne trouve pas sa place. Voilà. Tout le problème, c'est monument ou pas de monument, il faut trouver sa place. C'est la question contemporaine. Oui, alors justement, ce monument-là est protégé à juste titre. On veut le conserver, on ne veut plus y toucher d'une certaine façon. Voilà. Et donc, ça devient de plus en plus difficile pour un urbaniste, pour quelqu'un qui s'intéresse à la ville, de cheminer de monument en monument, comme si c'était une sorte de jeu de piste pour faire de la ville malgré tous ces grands monuments qu'on a patrimonialisés. Oui. Et on ne patrimonialise pas que des grands monuments, désormais, on patrimonialise des petits secteurs. On l'a dit, patrimoine immatériel. Et même des petits secteurs de ville qui, a priori, auraient peut-être été détruits il y a 30 ou 40 ans. Et même des centres-villes qui peuvent favoriser des opérations de gentrification, etc., qui se retournent contre les habitants qui étaient là initialement et qui sont plus ou moins expulsés. La patrimonialisation peut être un facteur d'expulsion, il ne faut quand même pas l'oublier. C'est ce qui s'est passé un peu dans ces halles de Paris, puisque au moment où on a détruit les halles de Baltard, c'était aussi une opération pour pouvoir un peu rendre ce cœur de ville, qui était le centre-ville, donc à une population qui ne le fréquentait plus, parce que c'était une population qui ne voulait pas vivre dans les petits immeubles. Oui, mais vous avez raison, il y a 1000 papiers et réflexions sur le rapport des halles, connexion souterraine avec flux énorme de gens venant de la banlieue, et un quartier très boboisé, qui est le quartier Montorgueil. Il n'y a pas à cracher sur les boboisés. Le problème est comment est-ce qu'on peut articuler boboisés et ces flux incroyables qui viennent de toute la région parisienne. Alors justement, ça c'est extrêmement intéressant parce que vous qui vous intéressez à la question de la ville, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi certaines populations, par exemple venant de banlieue, comme vous l'avez dit, arrivant sur ce territoire des Halles entièrement en travaux pour l'instant, mais qui sera bientôt terminé, sentent qu'il y a des signes urbains qui leur disent que cet endroit est soit pour eux, soit pas, soit contre eux d'une certaine façon. Vous nous dites, on est à deux pas d'une rue effectivement bourgeoise, boboisée, qui s'appelle la rue Montorgueil, ancienne rue de marché des Halles en l'occurrence, mais on voit bien que beaucoup de ceux qui descendent aux Halles, qui viennent de banlieue, ne passent pas le pas, parce qu'il n'y a pas pourtant de gated community comme dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas de condos comme dans les pays africains, avec des gardes à l'entrée, mais néanmoins, la ville dit cet endroit et patrimonialisé, ça n'est peut-être pas pour vous. En tout cas, on fait signe que c'est un endroit qui est différent. Oui, oui, vous avez tout à fait raison, c'est la grande question. Alors, contrairement d'abord à ce qu'on peut lire à droite à gauche de temps en temps, les jeunes dits de banlieue, j'aime pas toutes ces expressions, oublions-les, mais ceux qui viennent de l'extérieur des Halles viennent. Il y a l'idée que les gens ne viennent pas. Non, au contraire, ils viennent en grand nombre, les Halles. Mais c'est vrai, vous l'avez très bien dit, c'est vrai que le problème, c'est de les faire sortir des Halles pour aller ailleurs. Mais la plupart des jeunes vont aller à des endroits où il y a des événements, etc. Mais ils n'auront pas envie de sortir de cet espace, même semi-souterrain, s'il n'y a pas un certain nombre d'éléments qui leur donnent envie de sortir. Donc tout le problème, vous voyez bien, c'est qu'il faut réaccueillir dans cet espace souterrain, mais il faut recréer des accès qui permettent de ne pas buter. Alors là, quand même, j'arrive de Mont-Sarcelle natal, je bute contre Saint-Eustache, je ne suis pas obligé d'aller à la messe ou de comprendre l'art, tous les arts religieux. Beaubourg, je n'ai pas nécessairement envie d'y aller. Il y a tous ces hôtels extrêmement pitoyables qui sont aussi des espèces de frontières. Et puis cette bourse du commerce, que pour moi, aurait dû être l'espace de sortie, hein, qui rouvrirait sur la rue du Louvre, sur plein d'endroits là dans Paris, etc. Et même les amène, parce qu'après, où ils vont aux Champs-Élysées directement la plupart du temps. Donc on manque, c'est un peu des espaces de médiation. Hein, et la grande question, elle est là aujourd'hui. Ce n'est pas le monument qui est mauvais en soi. Le problème, c'est comment on peut en faire des éléments qui sont des éléments moteurs, qui donnent du mouvement. Or, on a une conception très souvent de la protection du monument, qui le monumentalise au sens le rend inerte. Et là, il faut revenir au débat du 19e. Il y a plein de débats. Ruskin voulait, l'anglais, on ne touche pas, on protège, on reproduit à l'identique. Et il y avait tous les débats de Viollet-le-Duc, qui est à mon avis la bonne position. Il ne s'agit pas de refaire à l'identique, il faut recréer des styles. Et c'est très compliqué aujourd'hui de protéger un monument. C'est le problème de la restauration, c'est le problème de l'innovation dans la restauration. Et je trouve que là, il n'y a pas assez de réflexion. Alors justement, cette question-là, qu'est-ce qui ferait la différence? Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'au bout du compte, on puisse avancer, créer de la ville, faire de la ville, sans totalement figer l'ensemble urbain? Moi, je pense qu'il faut reprendre la question comme elle a été prise au 19e, par Hugo, par Mérimée, par Guizot, que des historiens, quelque part. C'est parce qu'on détruit beaucoup, c'est parce qu'on est des vandales. Il y a 1000 types de vandalisme, voire le grand livre de Louis Réaud, qui pour moi reste la référence. Le problème, à la limite, avec lui, c'est que tout devient vandale potentiellement, mais il n'a pas nécessairement tort. Il faut qu'on pense un peu. Moi, je suis philosophe, donc un philosophe, il pense le négatif. Il faut penser nos vandalisations contemporaines pour se poser la question de la conservation. Et donc, après, la question de la restauration, des usages, etc. Mais si on ne se pose pas d'abord le problème de ce que nous-mêmes nous détruisons à tort, on ne va pas y arriver. Parce que nous détruisons beaucoup. Ça, c'est quand même la grande thèse de François Choët, qui critiquent la politique un peu délirante du patrimoine, mais en disant c'est parce qu'on détruit beaucoup qu'on patrimonialise beaucoup. Donc réfléchissons à ces deux facettes. Hein, et détruire beaucoup, ça veut aussi dire quand même qu'on ne sait plus très bien construire. C'est des choses aussi simples que ça. Mais après, il faut aussi regarder le monde, il change. Les espaces publics d'aujourd'hui, ce n'est pas des espaces qui ont besoin de beaucoup de construction. Les réseaux sociaux sont là pour nous rappeler que les espaces publics, ils peuvent jouer sur le virtuel, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus des vrais espaces. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup à réfléchir quand même sur l'état de l'urbanisation contemporaine, si on veut comprendre. Beaucoup de choses se passent très vite. Là, on est en plein Paris, on a fait ce choix. Mais si on était allé se promener à une porte, Ivry, Vitry, je ne sais pas où, on aurait vu la casse quand même qu'il y a entre cette magnifique cité historique, il faut quand même le reconnaître, et le périurbain dès qu'il démarre. Moi, je suis pour revaloriser le périurbain. Il y a eu beaucoup d'informels qui est à prendre en compte et qui d'ailleurs aujourd'hui va peut-être même être patrimonialisé un jour. Non, mais j'exagère volontairement. Je pense qu'il faut quand même qu'on voit la casse produite. Hein. La patrimonialisation contemporaine, c'est l'envers d'une urbanisation extrêmement rapide qui casse beaucoup. Et moi, je pense qu'il faut toujours rappeler, j'aime bien cet exemple de Lévi-Strauss à Sao Paulo en 34. Il est là avec Brodel pour créer l'Institut des sciences sociales. Et il y a déjà 2 millions d'habitants. Il dit, lui, qui arrive de ces tribus amazoniennes, ça va trop vite. Ben oui, ça va trop vite, mais ça peut aussi aller trop lentement d'une autre manière. L'intérêt de travailler sur l'urbanisation, c'est qu'on voit les différentiels de vitesse. Nous, on va très lentement, hein, et on protège notre ville historique, etc., de manière sympathique et patrimonialisée. Là-bas, ça va très, très vite, et la patrimonialisation est souvent un alibi. Alors, cette patrimonialisation, telle que vous avez pu la croiser dans d'autres villes que Paris, Olivier Mongin, vous avez cheminé pour vos ouvrages sur l'urbanisation en Amérique latine, beaucoup en Asie aussi. Comment ça se passe, cette patrimonialisation? On conserve un vieux quartier très petit, j'imagine, et puis on se permet ensuite de construire et de détruire beaucoup, comme vous le disiez, tout aux alentours. Bah, vous savez, la ville, c'est quand même de la politique, ce qu'on oublie souvent. Il ne s'agit pas de parler des projets urbains derrière le projet des Halles. Ici, vous imaginez les débats qu'il y a entre la région, la ville, l'État, tout ça, et toutes les sociétés qui alimentent la vie quotidienne. Et les associations du riverain. Sans parler de son quartier. Donc, il faut aussi, je dirais, l'implicite de l'urbain, c'est ça aussi. Alors, tous les pays ne sont pas à grande démocratie urbaine. Ça, c'est une évidence. Non, très souvent, c'est des décisions qui sont prises un peu à l'emporte-pièce. Je peux simplement raconter une anecdote. La Chine, pour beaucoup de gens, donne l'impression de maîtriser son urbanisation, ce que, personnellement, je ne pense pas tant que ça. Je me suis promené, là, ce moment de l'Expo universelle avec Antoine Grimbach, dans un quartier de Shanghai, grand architecte français qui avait inventé l'axe Seine-Paris pour le Havre, Seine-Paris pour le Grand Paris. Projet d'ailleurs qui était très, très fin à mon avis. Et Grimbach nous faisait visiter à quelques-uns. Il disait, voyez là, ça a été rasé il y a quelques jours, je n'ai même pas été prévenu. C'est un quartier dont on m'avait chargé de la réhabilitation. Hein, c'est pour donner un exemple quand même de quand le pouvoir politique tient la ville, il peut détruire sans même qu'on s'en aperçoive. Hein. Et pour l'Amérique latine, par exemple, vous citiez au tout début de notre discussion Valparaiso. Pourquoi Valparaiso vous apparaît comme un endroit particulier de la patrimonialisation mondiale? Non, parce que c'est une ville comme tout le monde que j'aime beaucoup. C'est peut-être une ville de bobos, alors j'en sais rien. Mais c'est une ville difficile. C'est le quartier Montorgueil Non, c'est une ville très dure. C'est une ville faite avec 44 collines, Cerros. Il y avait un film de Joris Even sur Valparaiso il y a plusieurs années. C'est une ville un peu mythique pour beaucoup de gens, pour les gens qui aiment la mer. Et là, récemment, il y a eu un gros projet touristique où on a patrimonialisé 4 collines. Les 4 collines qui ont gardé encore leur funiculaire, avec un projet sous-jacent qui consiste à faire venir les touristes qui arriveront dans le nouveau port pour aller directement visiter les Valparaiso à travers les 4 funiculaires des collines. Et voilà, Valparaiso, ce sera ça. C'est une marchandisation de la patrimonialisation dans une ville qui est une ville magnifique et qui pourrait imaginer un autre type de développement. Ce qui ne veut pas dire que le touriste n'a pas à y venir et qu'on ne peut pas imaginer aussi un aménagement de collines, etc. Mais on voit très bien que la patrimonialisation, elle se fait toujours de manière coupante. Hein, On conserve un endroit. On détruit beaucoup autour, on casse, on conserve un endroit parce qu'il est rentable et qui est un endroit, bah, c'est vous l'historien ici, qui est un endroit qui a présent une magnifique mémoire du monde, de l'humanité, de Valparaiso. Simplement, on passe à côté des gens en train de crever à Valparaiso sans même s'en apercevoir. Voilà, bon, c'est tout. Ça pose des petites questions. Vous parlez de malentendu patrimonial dans votre ouvrage, Olivier Mongin. C'est quoi ce malentendu, justement, patrimonial? Je reviens aux notions qu'on a évoquées au début, c'est-à-dire... Le patrimoine, c'est à la fois cet acte anthropologique universel que nous avons tous de pouvoir nous souvenir de ce qui fait notre communauté, si nous en avons encore une, si nous avons ce qui fait qu'une mémoire active. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est une mémoire qui nous rend active. Et puis après, le monument historique, qui est un monument qui peut être rapidement un peu congelé, dont on oublie les stratifications. Mais par rapport à ça, je dirais aussi, la mémoire, ça nous ramène une chose que j'ai découverte récemment dans le très beau livre de Michel Mello, Mirabilia, qui porte sur le patrimoine. Vous savez, il y a un type de territoire qui ne rentre pas d'une certaine manière, ne fait pas problème pour être conservé. Parce que c'est quoi ? C'est les cimetières. Effectivement, les cimetières, on les conserve parce que c'est une mémoire. C'est une mémoire qu'on porte avec nous-mêmes. Il y a peut-être des profanateurs, comme on a vu dans le cinéma anglais, mais il y a des profanateurs, nous le savons. Mais quelque part, le cimetière est un espace qui se préserve de lui-même. Pourquoi ? C'est le monéré, c'est la mémoire de nos morts qui fait que nous sommes vivants. Comme disait Ricoeur, la mémoire, l'histoire, l'oubli. Alors, c'est d'autant plus drôle que d'évoquer cette question du cimetière ici, alors qu'on est aux Halles, parce qu'à l'autre bout des Halles, nous avions l'ancien cimetière des Innocents, devenu depuis une place, donc la place des Innocents, qui, évidemment, a été détruit, ce cimetière des Innocents, à partir du moment où il y avait trop de morts. D'une certaine façon, la question, c'est du trop de morts à l'intérieur de la ville. Eh bien, qu'est-ce qu'on en fait de ces morts ? On va donc créer des ossuaires, on va les répartir dans différents endroits, en particulier dans les catacombes peut-être, ou dans d'autres endroits, ou créer des cimetières à l'extérieur de la ville qui ont fini par être rejoints par cette même ville, en l'occurrence Olivier Mongin. Oui, tout à fait. Le problème aussi d'une ville, c'est d'avoir de quoi faire. C'est exactement le problème qu'on pose depuis le début. Qu'est-ce qu'on fait de nos morts ? Alors, nos morts, c'est nos proches, c'est notre généalogie, etc. Nos morts, c'est nos monuments. Nos grands hommes, nos grandes femmes. Voilà. On a ce problème-là à se poser. Alors, vous avez raison, il y a des contre-exemples, même pour les cimetières. Mais je ne suis pas du tout un historien spécialiste des innocents. Je connais un peu ma ville, mais j'ai cru comprendre qu'on mettait au cimetière des innocents des morts dont plus grand monde se préoccupait. Et je redonnais l'exemple des Misérables. Dans le chapitre sur Gavroche, effectivement, on voit que les enfants qui étaient à l'abandon, etc., c'était peut-être pas les favelas de l'époque, mais ils étaient extrêmement nombreux. Il y avait des tas de gens à l'abandon. Il y avait de l'abandon. Et c'est vrai qu'un grand projet urbaniste, et c'est pour ça qu'on ne peut pas toujours cracher sur Haussmann, etc., c'est un projet qui rend quand même possible le vivre ensemble un peu mieux. Et la question qui devrait être centrale aujourd'hui, c'est le vivre ensemble. On a parlé Montorgueil-Léal, c'est exactement ça. Et vous pensez donc qu'à trop accentuer, à trop mettre l'accent sur la question du patrimoine, on en oublierait la question du vivre ensemble et de l'urbanité ? Parce que vous dites, en fait, on fait de l'urbanisation sans urbanité aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. Et c'est une des questions fondamentales que vous abordez dans vos ouvrages, Olivier Mongin, c'est comment refaire de l'urbanité, donc du vivre ensemble. Mais pas nécessairement à l'échelle de la vie européenne. Moi, ce qui m'intéresse, je pense que nous avons à inventer une histoire urbaine qui a du sens, qui a été réactivée à plusieurs périodes. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'être, je dirais, des orphelins de Fiesole et de Florence. L'avenir du monde, ce n'est pas Florence, ce n'est pas nécessairement Paris non plus. Et je pense qu'il faut réinventer une urbanité pour les villes chinoises, pour les villes brésiliennes. Autrement, on a bien vu les mouvements urbains récents, ça ne sera pas tenable. Parce que la question de l'urbain, j'avais vu le maire de Recife il n'y a pas si longtemps, la question de l'urbain, c'est de créer des espaces qui soient stables, qui soient tenables. Autrement, la violence revient toujours, reprend le dessus. Et la question de la ville, c'est toujours qu'est-ce qu'on fait avec la violence ? Les Grecs sont intéressés à la ville et à la démocratie. C'est comment on essaie de pacifier la violence. On aurait pu en parler un peu, on n'en a pas parlé, c'est de ma faute. On pourrait quand même rappeler que la fin du XXe siècle et le XXe siècle, aujourd'hui, 21e aujourd'hui en Syrie, c'est quand même la preuve comme jamais que l'urbicide, comme disait l'ancien maire de Sarajevo, on aime détruire les villes. Hein, Assad détruit des villes, il avait déjà détruit Damas, etc. Ce qu'on a appelé l'urbicide à propos de la Yougoslavie, la destruction des villes, c'est quelque chose de très important. Oublions même les pays émergents, la France, voyons aujourd'hui ce qu'est la destruction dans les pays en guerre aujourd'hui. C'est toujours les villes, les tyrans adorent tuer les villes, il ne faut jamais l'oublier. Alors vous pourriez passer pour... disons, un de ceux qui critiquent la patrimonialisation excessive. Ah oui, mais je n'ai pas envie de le dire. Mais néanmoins, vous dites qu'il faut du patrimoine, mais il faut qu'il soit bien tissé avec l'ensemble du territoire aux alentours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de refaire des contextes, c'est de refaire des ensembles urbains. C'est l'idée qu'avait Malraux quand il disait qu'il ne s'agit pas de penser que le monument tout seul, il faut le remettre. Bon, c'est ce qu'il voulait faire en creusant là, les fossés, mais vous avez bien vu ce que c'est que là. Ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas vraiment, ça pourrait marcher. Voilà, c'est ça qu'il faut recréer, ce qui fait qu'on a envie de se rassembler un peu hors de nos logements privés. Une ville, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir sortir. si vous n'avez pas envie de sortir. Exister, c'est sortir. Ex. Il ne faut jamais oublier tout ça. C'est des choses très anthropologiques, très universelles, passionnantes, où le philosophe s'y retrouve avec l'historien. Après, c'est vrai qu'à titre personnel, vous ne serez sûrement peut-être pas d'accord. Je pense que si on est un pays très historique, très historien, à surcharge mémorielle terrible, hein, les lieux de mémoire de Nora, c'est 1984, et que les difficultés françaises avec la dette économique sont peut-être pas non plus des difficultés que la dette historique. Nous avons un poids de la dette terrible, terrible. Je ne suis pas un Nietzschéen à dire abolissons la dette, mais je pense quand même qu'on a une histoire monumentale, antiquaire qu'aurait dû Nietzsche, qui est très lourde, hein, et on le paye, et on n'est pas un pays de géographes. Hein, ça, c'est une vraie question. Et moi, en faisant ce livre, je suis devenu un peu géographe. Et je trouve ça formidable parce que ça rend visible à peu près tout ce qui se passe. On voit les choses. Je pense quand même que la France, et j'ai le plus grand respect pour l'imaginaire républicain, bon, on ne peut pas à l'infini dire « vire la France républicaine ». Ce n'est pas possible. Hein. Il faut que cette France républicaine, c'est le débat avec Nora sur la fin du roman national, il faut recréer un roman national à l'échelle du monde aujourd'hui. On ne monte pas avec notre roman vers le roman mondial, non. Le roman mondial, il s'écrit très très vite. Il faut arrêter de ressasser notre académisme national. Et une fois de plus, je ne suis pas anti-nation, pas du tout, pas une seconde. Le problème aujourd'hui, on est à la fois dans le global et le local, tous, avec l'immatériel et le matériel. Le problème, c'est comment dans le local, notre grand local à nous, celui de l'histoire nationale française, nous pouvons reprendre place dans le roman mondial qui s'écrit de manière un peu difficile. C'est sûr, pour l'instant, on est à la phase Zola, plus qu'autre chose. Voilà, bon. Moi, c'est vrai que je pense qu'il y a une surcharge mémorielle, qu'aujourd'hui, moins on voit l'avenir, plus on se prend de la mémoire, parce qu'il y a une lourdeur mémorielle, il y a un présentisme, on parle souvent dans votre émission, qui François est lié Artog. Aux nouvelles technologies, etc. Le présentisme, il est aussi très lourd. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on ne voit pas, c'est l'avenir. Et qu'une mémoire, elle est intéressante si elle favorise un peu du devenir. Est-ce que vous pensez, mais là, je vous demande de faire le prophète, d'une certaine façon, Olivier Mongin, qu'au bout du compte, il y a une possibilité de sortir de ce cycle de la patrimonialisation dans lequel on est entré, non seulement au 19e siècle, vous l'avez raconté tout à l'heure, mais surtout depuis une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années avec la loi Malraux, de en sortir pour aller vers où, d'ailleurs, Olivier Mongin. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que l'inventaire patrimonial, maintenant, il est renvoyé. L'État a très bien pigé qu'il ne pouvait plus contrôler. Et donc, il renvoie les choses, il le renvoie aux régions. Hein, l'inventaire de 2004, c'est les régions, les 26 régions. Maintenant, on renvoie aux communes, etc. Il y a aussi une décentralisation de la mémoire qui ne peut que produire de l'accumulation. Et moi, je pense quand même que les questions, elles se font quand même au niveau national. Elles sont réécrites au niveau national. Je ne vois pas très bien où en ce moment. On a aussi ce problème d'un ministère de la Culture qui est un peu piégé par des ambitions qui ont été beaucoup trop grandes. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il faut des petites ambitions. Il faut d'autres ambitions. Merci Olivier Mongin de nous avoir guidé dans ce centre de Paris depuis, je le rappelle, Saint-Germain-l'Auxerrois en passant par le Louvre et jusqu'ici au-dessus des Halles. Donc peut-être la sirène est-elle une sirène d'urgence, je sais si c'est une sirène d'urgence pour le patrimoine ou pour l'urbanisme. En tout cas, on peut continuer la réflexion en vous lisant dans votre dernier livre, donc La ville des flux, l'envers et l'endroit de la mondialisation urbaine chez Fayard, dans lequel vous réfléchissez non seulement pour la France, mais pour le monde entier, à ces grandes évolutions urbaines. Merci encore. Merci à vous. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marseille. La prise de son était assurée par Hervé Dubreuil et la réalisation par Renaud Dalmain. Vous pouvez bien entendu écouter ou réécouter cette émission en allant sur le site www.franceculture.fr et y laisser vos commentaires, ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Demain, nous traiterons dans le documentaire de patrimoine industriel.